Le séminaire scientifique national par secteur consacré au 50e anniversaire de la fondation de l'Université des sciences a eu lieu les 12 et 13 courants. Y ont pris part les enseignants et chercheurs des établissements d'enseignement et de recherche scientifique. Divisé en une vingtaine de commissions, le séminaire a exposé plus de 1600 thèses susceptibles de renforcer encore plus la capacité politico-militaire du pays et de contribuer à l'accélération victorieuse du socialisme grâce à la grande motrice de l'esprit de se renforcer par soi-même. Les réalisations des recherches ayant la possibilité pratique et de grande valeur scientifique ont été présentées et de bonnes expériences ont été échangées.